السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال ابن عمر: وإن رآها الناس حسنة. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي كفانا وأوانا وأطعمنا وسقانا ومن كل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، له الحمد في الأولى والآخرة، جل وعلا المحمود بكل لسان، المعبود بكل مكان، له الحمد على كل حال. أيها الإخوة الكرام، avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, c'est pas tout ça, le Nabi sallam de l'éminent Imam al-Muhaddith al-Allam Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah ta'ala, il en va de soi de faire précéder à la lecture de cet ouvrage certaines notions dont il convient à aucune personne se présentant aux portes des assises où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala de son messager sont évoqués, d'y franchir le seuil de ses portes sans avoir pris connaissance au préalable des notions s'y rapportant. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa'tul buyuta min abwabiha. Dans un des sens du verset, il est dit: lorsque vous souhaitez accéder à un lieu, empruntez les portes vous menant à ce lieu de manière convenable. Wa'tul buyuta min abwabiha. Il en est de même pour les assises, où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, ils sont évoqués, elles se doivent d'être franchies convenablement. Car ces assises ne sont pas semblables aux assises où il règne la perte de temps et les futilités. Ces assises sont semblables, ne sont pas semblables aux assemblées où l'idéologie des hommes sont élevées au-dessus du kitab et de la sunna. Ces assises sont les majalis du rappel, les majalis du conseil, les majalis où il est évoqué la meilleure des paroles, celle qui ne descend sur les montagnes sans qu'elle se fende en deux par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Ces majalis, ayat l'ikhwatul karam, sont les majalis où la meilleure des guidées est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui elle a été donnée la prestance jetant l'effroi dans les cœurs ennemis d'une distance semblable à un mois. Ces majalis donc se doivent d'être élevés et immensifiés, exaltés, car haut et grand sont les personnes qui sont évoquées. Wa alamu waffaqani Allah wa iyyakum, qu'il fait partie de la piété d'exalter ce qui se doit d'être exalté. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Et quiconque exalte les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala s'inspire en effet de la piété des cœurs. Il y a là dans ce verset une forte incitation à ce que l'on prenne connaissance des hauts degrés des choses nous étant légiférés. Et cela afin que soit exalté de manière convenable les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'elles soient exaltées. Il en est de même pour ces hautes assises. Il nous revient, avant de franchir le seuil de ces portes, de prendre connaissance de leur haut degré, de prendre connaissance de leur grande vertu, de leur mérite et du adab, du comportement qui se doit d'y être observé. Et cela afin que, on exalte à juste titre ces choses-là et qu'on se préserve de dénigrer une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on exalte. وَعَلَمُوا وَفَقَنِيَ اللَّهُ إِيَّاكُمْ. Et sachez qu'Allah nous donne la réussite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans ces nobles rassemblements, dans ces nobles assemblées, une énorme rétribution et un immense bienfait, dont nul, na'am, ne connaît la véritable valeur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, en honneur aux personnes s'étant réunies pour sa cause, il les rétribue par son amour. Son amour qui est la clé du bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. كما ثبت ذلك في الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى عن معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله سبحانه وتعالى وجبت محبتي للمتجالسين في الحديث. الله سبحانه وتعالى في الحديث قدسي nous annonce qu'il a réservé son amour à toute personne s'étant réunie pour sa cause. Que nous reste-t-il donc à faire à se réunir, comme c'est le cas inshallah ce soir, lakin dans le but de rechercher à travers ses assises l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hautes demeures du paradis. À ce moment-là, incha'Allah, il nous sera accordé l'amour d'Allah azza wa jal. Yahwani fillah, sachez que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, il le préserve. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, il n'éprouve pas pour lui aller de la colère. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, il lui donne la réussite dans chacun de ses pas, dans chacune de ses paroles, dans chacun de ses gestes. Wafi sahihain, wafi sahih al-Bukhari. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله سبحانه وتعالى إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الحديث. الله سبحانه وتعالى nous fait part dans ce hadith qudsi que lorsqu'il aime un de ses serviteurs, il lui donne la réussite dans tout ce qu'il entreprend de faire. الله سبحانه وتعالى sera son nuit avec laquelle il écoute, son regard avec lequel il voit, sa main par laquelle il combat, sa jambe par laquelle il se dirige. En d'autres termes, il n'est de choses dont le serviteur, na'am, bien-aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, souhaite faire ou entreprendre, sans que cela soit dans l'agrément d'Allah azza wa jal. Allah yuwaffiquhu fi kulli shay. Tel est le rétribut de ceux qui se rassemblent pour la cause d'Allah azza wa jal. En plus de l'amour qui leur a été accordé, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la réussite totale dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Que dire alors, lorsque tu ajoutes à cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève les gens de cette assemblée en degré devant la plus noble des créatures et devant la meilleure des assemblées, qui ne sont autres que les malaïka, ceux qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et exécutent ses ordres. Wa fi sahihayn, an Abi Hurayra رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبحانه وتعالى وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله سبحانه وتعالى dans ce hadith قدسي dit: et si le serviteur m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée bien meilleure que celle dans laquelle il m'a évoqué. Je l'évoquerai dans une assemblée bien meilleure que laquelle dans laquelle il m'a évoqué. Est-ce par le simple fait qu'on se réunisse pour évoquer le juste nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que les gens de cette assise obtiennent cette énorme faveur? Naam. Dhalika fadlullah subhanahu wa ta'ala yu'ti man yasha. Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à lui afin de lui réciter sourate al-bayyinah, lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire, il dit, yani Ubay ibn Ka'b, Allah subhanahu wa ta'ala m'a-t-il évoqué? Allah subhanahu wa ta'ala m'a-t-il nommé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit Naham, et Ubay se mit à pleurer de joie de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'est nommé. Telle est la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses ibads. Il en est de même, incha'Allah, pour nous. Nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait évoqué auprès de la meilleure des assemblées, celle des anges, dont Allah subhanahu wa ta'ala a assujetti comme itinérant, se déplaçant sur terre à la recherche des assemblées où il est évoqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ces anges trouvent yani, de telles assemblées et s'assoient avec les membres de ces assemblées, en les entourant les uns les autres par leurs ailes jusqu'à ce qu'ils remplissent l'espace compris entre cette assemblée et le ciel de la vie d'ici-bas. Lorsque ces personnes et les personnes de l'assemblée se dispersent, ces anges remontent vers les cieux où se trouve Allah subhanahu wa ta'ala le puissant, le majestueux. Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'ils soient plus informés qu'eux, leur demande, d'où venez-vous? Les anges diront, nous venons d'une assemblée dans laquelle ton nom fut évoqué, dans laquelle ta gloire fut célébrée, dans laquelle ta grandeur fut exaltée, dans laquelle ton unicité fut prononcée. Allah subhanahu wa ta'ala dira, je vous prends à témoin, et les anges, de les avoir pardonnés. Un des anges dira, il y avait parmi eux un tel qui n'était pas de, il y en a des qui ne faisait pas partie des personnes de cette assise, mais il est juste venu pour une autre cause, différente de la cause pour laquelle ces gens-là se sont assis. Allah subhanahu wa ta'ala dira, ils sont dans l'assemblée. Et voilà, ils sont dans l'assemblée, ceux qui se joignent à eux ne seront jamais déçus. Ceux qui se joignent à eux ne seront jamais déçus. Telle est la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est la faveur réservée à ceux s'étant réunis par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront rétribués d'un pardon, d'une expiation de leurs péchés, d'une noble et haute compagnie qui sont les malaïka. Et Naham, le titre de ces personnes-là, de ces gens, de cette assemblée est tellement honorable que même les personnes s'étant joints à eux pour une cause autre que celle pour laquelle ils se sont assis, et ils ne seront jamais déçus. Ayyuha al-ikhwatul kiram, l'impact de la foi que nous avons pour les malaïka doit nous pousser à avoir une bonne conduite dans les assemblées où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sont évoqués. Car à partir du moment où nous avons conscience et conviction qu'un groupe parmi les anges assiste à ces mêmes assemblées, à ces mêmes assises, on se doit de les honorer en observant une bonne conduite afin d'exalter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé parmi ses créatures. Parmi les bonnes conduites, et même la première conduite, la plus importante des conduites qu'on se doit d'observer au cours de ces assises et autres, c'est d'être sincère, à l'ikhlas, la sincérité, de revoir nos intentions. Car le retribut de nos œuvres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est en fonction de nos intentions. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'mal bin-niyyat, les œuvres en fonction de leur intention. Qala al-imam al-allama ibn Salah, rahimahullah ta'ala, il revient à tout étudiant prêtant l'oreille à la science ou voulant y profiter, Naam, qu'il purifie son cœur des délices mondains et de leur impureté. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيبه عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. Quiconque étudie une science religieuse afin d'acquérir un bien éphémère parmi les biens de la vie d'ici-bas, il ne sentira pas l'odeur du paradis yawm al-qiyama. Ce hadith est apporté par Abu Dawud et authentifié par l'imam al-Bani, rahimahullah ta'ala. Donc cela nous montre l'importance d'être sincère, de faire preuve de sincérité dans ses assises, car au contraire de cela, ça peut être très dangereux pour nos intentions et pour nos œuvres. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lam yajid 'arfa al-jannah, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Parmi les conduites qui se doit d'être observées dans ces assises et autres, c'est le jid wa l'ijtihad, l'effort et le sérieux. Se consacrer totalement à l'étude de la science. Faqad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innamal 'ilm bit-ta'allum. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit quant à l'explication de ce hadith, cela signifie que l'acquisition de la science demande des sacrifices. قال الإمام ابن كثير يحيى ابن كثير رحمه الله تعالى لا ينال العلم براحة من الجسد براحة من الجسد. La science ne peut s'acquérir avec paresse. نعم. Et parmi les choses كذلك qu'il est bon d'observer dans ces assises et autres, c'est التحذير المراجعة والمذاكرة. التحذير, c'est-à-dire de se documenter sur le cours qui va être étudié avant qu'il soit enseigné. Et cela afin de quoi? D'évaluer ta compréhension avec l'explication de ton muallim et de te faire une brève opinion du sujet qui va être traité. وَكَذَلِكَ الْمَرَاجِعَ. C'est un point qui est muhim. Le fait de réviser, faire l'effort de mémoriser, de comprendre le cours que tu as étudié afin que lorsque tu te présentes le lendemain, tu puisses répondre aux questions qui sont posées. Et afin aussi, كَذَلِكَ, de bâtir de nouvelles connaissances. وَالْمُذَاكَرَ كَذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ. Il y a le fait de se mémoriser les sujets révisés. les sujets révisés et bien compris. Cela afin, Yanni, que tu ne nous oublies pas. Wa qala l'imam al-allama Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, man sarrahu an yahfadha al-hadith falyudhakkir nafsah. Et celui qui souhaite mémoriser, qu'il se remémore. Qu'il se remémore, Yanni, que ce soit, Yanni, par lui-même ou avec, Yanni, des étudiants. Et qu'il y a parmi les points muhim, Yanni, qui se doivent d'être respectés dans les assises, c'est d'avoir une himma aliya. D'avoir une himma aliya, d'avoir des hautes ambitions. D'être déterminé afin à ce que la science te soit profitable, ainsi qu'à l'islam et les musulmans. L'imam Al-Husaymi, rahimahullah ta'ala, dit, parmi les ambitions les plus importantes que doit avoir l'étudiant en science, c'est d'atteindre le rang de l'imam dans la communauté. فمن القصور في العلم وعدم تعظيم مجالسه أن يحدث نفسه بالعادة. Il fait partie de la déficience de la science et de l'irrespect de ses assises, de se mentir à soi-même en se disant demain je vais réviser, demain je vais apprendre. Inch'Allah, yani j'ai pas compris, la prochaine fois je vais refaire ce darf là. Là, et du mahimmatak, was'al rabbak, yani réunis tes efforts et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui détient les cieux et la terre. La science, c'est un rizq. Mais rizq Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde à qui il veut. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, qad qala fi al-hadith al-qudsi, fa qad qala fi hadith aladhi rawahu al-Bukhari wa muslim, anna Allah subhanahu wa ta'ala qal, anna inda dhanna abdi bi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce hadith qudsi, je serai comme mon serviteur pense de moi. Donc, ayons une bonne attention et de bonnes pensées sur Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie la science. Wa kadhalika, parmi les choses qui doivent être observées, al-amal bil-ilm. Wa hadha yani min aham al-ashya. Œuvrez en conséquence de tes connaissances. Et sachez que les premières personnes qui seront jetées au feu, yawm al-qiyama, ce sont ceux qui n'ont pas fait suivre à leur science l'application. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, awwal man tus'ar bihi an-nar yawm al-qiyama. ثلاثة ومنهم رجل تعلم ولم يعمل بالعلم. Ceux qui ont œuvré et n'ont pas fait suivre à cela, yani l'amal, le fait de pas œuvrer ou le fait de pas faire suivre une comment s'appelle l'œuvre à ta science, ça fait partie du teshabbuh bil yahoud. Allah subhanahu wa ta'ala a certes dénigré les yahoud qu'ils ont délaissé l'amal ba'd al-'ilm. Qu'ils ont délaissé l'amal ba'd al-'ilm. قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des livres. En gros, la science n'est pas profitable. Tout comme celui qui a des connaissances et qui ne les fait pas suivre par le ramel. Sa science ne lui est pas profitable. وقد قال العلماء من الحكم أنهم قالوا أن العلم بلا عمل كالشجرة بلا غصن. العلم بلا عمل كالشجرة بلا غصن. La science dépourvue d'application est semblable à l'arbre qui n'a pas de fruit. Est-ce qu'il est profitable cet arbre-là? Là, il n'est pas profitable. كذلك العلم الذي ليس فيه عمل. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ليس العلم بالتكاثر لكن العلم ما نفع. ليس العلم بالتكاثر لكن العلم ما نفع. La science n'est pas le simple fait d'emmagasiner, yani les connaissances. Mais la science est celle qui était profitable. La science, c'est celle qui était profitable. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان مما يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع. ما هو ذلك العلم؟ C'est quoi cette science? C'est la science qui n'est pas suivie d'une application. Délaisser l'application de la science, ça ne fait pas partie du ménage des salaf. بل كان المحدثون يقولون, ils avaient l'habitude de dire يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث من كل مية حديث خمسة أحاديث من العمل خمسة أحاديث من العمل. يعني il disait, يعني oh vous qui mémorisez les hadiths, acquittez-vous de la zakat du hadith. Lorsque vous apprenez 100 hadiths, mettez-en au moins en application 5 de ces hadiths là. Mettez en pleine application au moins 5 de ces hadiths là. Et sachez que délaisser l'application, يعني ça fait partie des causes te faisant oublier ta science. Donc à quoi bon apprendre si jamais tu n'œuvres pas? Si jamais on n'œuvre pas. À quoi bon apprendre si c'est pour oublier? Car le fait de ne pas appliquer, c'est une cause qui te fait oublier ton ilm. وقد قال الإمام واقع رحمه الله تعالى إذا أردت أن تحفظ الحديث فعمل به. Et le même Rokaya dit, si jamais tu souhaites vouloir mémoriser, tu dois œuvrer en conséquence. Tu dois œuvrer en conséquence afin de, que ta science te soit profitable, afin que ta science, yani, tu n'oublies pas ta science. وكذلك من الأمور المهمة تمام في العلم وعند مجالس العلم الصبر على التحمل de patienter يعني lorsque tu étudies car l'acquisition de la science تمام ça demande une grande patience bien encore même bien encore يعني l'étudiant en science religieuse à طالب العلم ne peut atteindre le degré de l'imam qu'après avoir fait preuve de patience et de certitude قال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Il est dit dans ce verset, et nous avons désigné pour eux des imams qui guident par nos ordres après qu'ils eurent patienté et croyaient fermement à nos versets. قال الشيخ الإسلام رحمه الله عند هذه الآية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. C'est par la science et par la patience et la certitude que s'acquiert naham al-imama fi din. Donc yani al-ilm yahtaj ila sabr. Al-ilm yahtaj ila sabr. Wa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna Allah subhanahu wa ta'ala rafiq yuhibbu ar-rifq fi kulli shay. Certes Allah subhanahu wa ta'ala est doux et aime la douceur dans toutes les choses et aime la douceur dans toutes les choses. Certes l'apprentissage yani de la science est une chose. Donc, yani, quelle est cette douceur qui s'apporte à cette science? Quelle est cette douceur-là? Cette douceur-là, c'est que tu prennes el-masail, les sujets. C'est que tu prennes les cours petit à petit. Que tu avances un pas après l'autre. Que tu fasses patience yani, dans l'étude de la science. Jusqu'à ce que vienne l'heure où tu seras, comment ça s'appelle, enterré. Kan yaqul ba'd salaf, man ramma al-ilm jumlah, dhahaba anhu jumlah. Wa innama yitlabu al-ilm ala marr al-ayyam wal-layali. Certains salafs disent, celui qui pense acquérir la science en un moment, en un seul moment, la science lui passera sous le nez en un seul instant. Mais l'apprentissage de la science se fait de jour à jour. L'apprentissage de la science se fait de jour à jour en patientant. Tamam, un cours après l'autre. Wakadalika, parmi les adab qui se doit d'être observé dans les majalis, c'est d'être attentif. Ça c'est min al-muhimmat, être attentif au cours. C'est une chose qui va permettre, qui va te permettre yani, d'acquérir la science, d'être attentif. Tamam? Wa qad thabata yani min hadith Jarir ibn Abdillah radi Allahu ta'ala anhu anna nabiy sallam qal fi hajjat al-wada' ansat al-nas. Le prophète sallam dans hajjat al-wada' a demandé à Jarir que les gens yani, lui prêtent attention à partir du moment où il voulait parler. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a édité un chapitre à la suite de ce hadith là. Il dit, ce chapitre est le silence qui doit être observé à l'écoute de l'enseignant. Cela afin que yani, les notions qu'évoque l'enseignant ne te passent pas sur le nez, afin que tu puisses profiter totalement yani, des notions que ton mu'allim te donne. Wa min al-adab kadhalika alladhi la budda min mura'atih, c'est d'avoir yani, kama qala al-ulama rahata ou rahabat al-sadr. Yani fi masail al-ikhtilaf, rahabat al-sadr fi masail al-ikhtilaf. Et ça c'est très important parce que certaines n'am des certains yani des cours sont sujets yani d'ikhtilaf. Donc quel est le adab, le comportement que doit avoir le talib yani face à ces ikhtilaf? C'est qu'il doit avoir un cœur ouvert face à certaines divergences, pas toutes les divergences. À certaines divergences, il doit avoir un cœur grand ouvert. Parce que ces divergences là ont des sens, yani les sens de ces textes yani aboutissent à une interprétation diverse. Les sens de ces textes aboutissent à une interprétation diverse. C'est pour cela que yani il est possible, dans ces genres de sujets, qu'il y ait le khilaf. Et sachez qu'il ne fait pas partie de la sunna, dans ce genre de masail, dans ces genres de sujets où il y a des khilaf, yani d'avoir de la dureté envers le parti opposé. Yani at-talib, faut qu'il sache ça. Il ne faut pas qu'il ait de la dureté dans les sujets à interprétation diverse, qu'il ait de la dureté avec le parti opposé. Mais se doit yani, de conseiller de manière douce afin de le convaincre de prendre son parti. Mais en aucun cas d'avoir de la dureté parce qu'il ne prend pas ton parti. L'imam Shafi'i, après avoir divergé avec une personne, avec une autre, sur un sujet bien précis, il le prie par la main. Il prie cette personne-là par la main. Et lui dit, « Ya Fulan, n'est-il pas possible de préserver notre fraternité, même si jamais on diverge ?» Même si on diverge sur des choses qui sont possibles de diverger, cela n'est pas une cause pour que notre fraternité n'existe plus. Tamam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, التي تدل على أنه لا يجوز الشدة في المسائل التي فيها الخلاف يعني فيها يسوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم lorsqu'il envoya une troupe نعم dans في غزوة ابن قتيبة ابن قريظة il dit personne ne prie le asr tant qu'il n'arrive pas dans ce village. Une partie des compagnons ont compris qu'il fallait pas prier le asr jusqu'à ce qu'ils arrivent dans ce village, même si jamais cela aboutissait à ce que il loupe la prière. Et certains d'autres ont dit non, le prophète n'a que voulu nous emprunter le pas. Mais en aucun cas, on se doit en avant tout de prier l'Asr dans son heure. On se doit de prier l'Asr dans son heure. Ils ont divergé sur une chose qui était possible de diverger. Mais malgré cela, le prophète sallam n'a pas eu de reproche, dur envers ses compagnons. Justement, ulama al-usul, ils ont pris ce hadith-là. Et la parole de l'imam Shafi'i pour dire qu'il n'est pas possible et qu'il n'est interdit d'avoir de la dureté dans les masaïl, dans les sujets où les interprétations sont diverses, où les interprétations sont diverses, où il est possible de diverger. Tamam. Wa kadhalika, inshallah, c'est le dernier point sur lequel on va finir. Tamam. Et qui fait partie, des points qui sont très importants au talib, à celui qui se dirige vers les assises pour apprendre la science, de prendre en considération. C'est qu'il se doit d'éviter l'orgueil et la timidité. Car elles sont deux causes qui sont un rempart contre l'ilm. Elles sont deux causes qui sont un rempart contre l'ilm. وقد علق الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال لا يتعلم يا لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. Celui qui est timide ou orgueilleux, jamais il ne pourra apprendre la science. Jamais il ne pourra apprendre la science. Certains ulama disent, ont dit, tout comme les anges ne pénètrent pas les maisons où s'y trouvent les chiens et les images, ils ne rentrent pas dans les cœurs, la science ne rentre pas dans les cœurs, elle ne pénètre pas les cœurs où s'y trouvent les chiens conceptuels qui sont naham, l'orgueil et la timidité. Donc un talib, il se doit d'être vigilant face à ces choses-là, de ne pas être orgueilleux et ni timide, car la timidité va l'empêcher de poser les questions afin de comprendre la science. Et l'orgueilleux, il va voir qu'il est dans la suffisance. Il va voir que sa science, sa connaissance, elle est meilleure que celle de son muallim. Donc il va s'écarter de lui. Il va le rabaisser, il va le dénigrer, il va rejeter la vérité. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-kibr, radd al-haq wa batar al-nas. Radd al-haq wa batar al-nas. L'orgueil, c'est de rejeter, de dénigrer les personnes, les gens de vérité et de rejeter la vérité. Donc à talib al-ilm, il se doit de ne pas, s'identifier à ce genre de comportement. À la kulli hal, kana sawt inqata'a. Fa inshallah sanaktafi bi hadha al-qadr. Et c'était juste, histoire d'avoir, un aperçu des choses, des adab, des comportements, des notions qu'on se doit d'avoir, de prendre en connaissance avant de commencer, inshallah, le kitab. Qui est sifat salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa nas'a Allah subhanahu wa ta'ala an yassirana wasa'il al-ilm wa naj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu fikum 'ala al-hudur wa 'afwan al-ta'akhur wa taqatta' al-sawt. Wa nas'a Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbal minna hadhihi al-kalama wa yanfa' biha al-islam wal muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.